J'ai une grande nouvelle. Je vais avoir un bébé. C'est vrai? Tu es contente? Oh oui, je suis ravie. Mon compagnon aussi. Et mes parents vont être fous de joie. Ça va être leur premier petit enfant. Eh oui. Notre bébé va devenir le centre du monde, c'est certain. Où est-ce que tu vas accoucher? Je vais accoucher à la clinique des Tournesols. Et c'est pour quand? L'accouchement est prévu le 1er octobre.